Non, je peux pas cautionner. Devoir nous en venir s'empoisonner. Non, je peux pas, non. Ils nous prennent pour des pantins manipulés par des putains. Merde, faudrait que je me barre d'ici, car de rêve j'en ai plus d'un. Comment se fait-il qu'on n'aide pas la Palestine? L'État préfère fermer sa gueule pour faire parler la balistique. J'évite toutes les ordures comme la CC dans mes narines. Je préfère me torcher avec les mecs, finir entre celles de marine et les médias complotent. Leurs plus gros mensonges sont à la une. Pourquoi montrer du doigt la religion pour nous faire passer la pilule? Dis-leur qu'on a des choses à dire, que l'on se doit de s'opposer, quitte à partir comme des martyrs. Les opposés s'attirent, donc t'étonnes pas si forcément ça tire. On est loin d'être pareil, et pourvu que ça dure. Oppressé par le système, ferme ta gueule à part si t'aimes ma vie, un thème précis. C'est peut-être pour ça que je la trouve si telle. Je te prends la visage découvert, pas de blush sur les pommettes. Faudrait plus qu'un cesse pour connaître les raisons de ma colère. Non, je peux pas cautionner, devoir nous en venir s'empoisonner. Non, je peux pas, non. Je ne peux pas cautionner de voir nos avenirs s'empoisonner. Ma jeunesse est emprisonnée, condamnée à consommer. Je ne peux pas cautionner de voir nos avenirs s'empoisonner. Ma jeunesse est emprisonnée, condamnée à consommer. Je regarde le monde partir en couille, y'a tant de choses qui m'est hors de moi. J'ai des projets, rien à poutier, donc je vis n'importe comment. Gratter un smic pour subsister, c'est ça la vie, ça me fout la gerbe. Vas-y l'ami, roule un joint d'herbe, j'ai besoin de m'évader. Je trouve pas les clés pour sortir de la merde. Je suis pacifiste, y'a que sur la preuve que je pose la dynamique. Mes rêves se dilapident comme à chaque promesse de l'État. On est en France, on a des droits. Baisse tes yeux et file tout droit. Sois un mouton et ferme ta gueule. Donc je pose ma colère sur la feuille, je crache mon venin sur la prod. Je vois mes illusions prendre feu quand mes espoirs se dérobent. On change pas le monde avec un putain dans une enveloppe. Casse pas les couilles avec ton droit de vote. De toute façon ils savent pas qu'on existe, alors pourquoi je les calculerai? Je mène ma barque là où je peux et de temps en temps je claque un 16. L'État m'encule en pensant que j'éjaculerai. Si choisir c'est cautionner, moi j'ai le cul entre deux chaises. Je ne peux pas cautionner de voir nos avenirs s'empoisonner. Ma jeunesse est emprisonnée, condamnée à consommer. Je ne peux pas cautionner de voir nos avenirs s'empoisonner. Ma jeunesse est emprisonnée, condamnée à consommer. Non, je peux pas cautionner de voir nos avenirs s'empoisonner. Non, je peux pas, non.